Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel intermedio. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Elija la mejor opción. Ahora dispone usted de un minuto para leer las preguntas. Info. France Info. Expatriation, mode d'emploi. Question aujourd'hui à Christina Girs, rédactrice en chef du site vivrealétranger.com. Alors aujourd'hui, focus sur les célibataires géographiques, un statut un peu piégeux. Plus de la moitié des expatriés sont mariés ou en couple, mais tous n'ont pas leur conjoint avec eux lors de leur mission à l'étranger. Ces célibataires géographiques ne le sont en fait que pour une durée déterminée. Alors pourquoi cette tendance? Quels sont les écueils? Et d'abord, Christina, pourquoi est-ce qu'un salarié décide-t-il de s'expatrier sans sa famille? Alors en fait, pour plusieurs raisons, un salarié peut partir seul. Déjà parce que le pays peut être jugé dangereux pour la famille. Deuxième raison, la carrière du conjoint que celui-ci ne souhaite pas interrompre. Il y a bien sûr aussi la scolarité des enfants ou, dans le cas de certaines familles, des enfants qui souffrent de maladies chroniques nécessitant des soins pointus, donc problème pour partir. Dans d'autres cas de figure, effectivement, là c'est toute la famille qui part, mais l'un des conjoints qui ne s'adapte pas et qui décide au bout de quelques mois de rentrer avec les enfants. Et donc, mécaniquement, celui qui reste en place, sur place, devient célibataire géographique. Alors quand on part, comme on dit, en single, est-ce que l'entreprise y trouve un intérêt? Alors bien sûr, forcément, une personne seule coûte moins cher, même si officiellement, une entreprise n'a pas le droit d'imposer à un salarié de partir seul. S'il a une famille, le célibataire géographique lui revient forcément moins cher. Il n'y a pas de prise en charge de l'épouse, des enfants, de la scolarité des enfants. Le logement est plus petit, donc moins onéreux. Mais attention, ces entreprises qui peuvent pousser la personnes à partir seules font parfois un mauvais calcul parce que finalement, cela ne revient moins cher qu'en apparence car une situation de célibataire géographique mal vécue peut se répercuter très négativement sur la qualité de son travail et on sait que une expatriation ratée a un coût. C'est-à-dire ? Mais c'est-à-dire que les problèmes qui se posent dans ces couples séparés par la force des choses, c'est que finalement, quelques mois à distance se gèrent relativement bien. Le problème, ce sont des expatriations de 2-3 ans où là, le fait de partir seul est mal vécu. Et donc, certains expatriés ont pu parler d'un système malsain, d'une adaptation très difficile parce qu'ils sont seuls sur place. Sans oublier enfin que le célibataire géographique peut être une compagnie très recherchée par les célibataires ES locales qui, elles, sont bel et bien libres. Eh bien, merci Christina Guess, rédactrice en chef du site vivrealétranger.com et un dossier complet sur ces célibataires géographiques sur votre site. Ahora dispone usted de un minuto para comprobar sus respuestas.